Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers auditeurs à l'écoute, je vous conseille de mettre rapidement vos chaussures, d'attacher les lacets, vous mettre debout, serrer la ceinture, nettoyer les oreilles, vous écouter danser l'histoire de ma femme. Elle s'appelle Rosa, une femme terrible. Je vous assure que ça va chauffer cette affaire. Formidable. Rosa, non, nous pas connaître elle. Vous pas connaître lui, hein? Oh, non. Je vous donne ses dimensions tout de suite. Rosa, femme très très géante. Rosa, femme très très courte. Rosa, femme très très rouge. Rosa, femme très très noire. commencement. Hein. Ma femme était très mauvaise, très méchante. Aucun vice n'est beau, mais le plus laid de tous, c'est de mentir. Yo menteur, pas de pitié. C'est pourquoi je vous dis bien, 99 jours pour le voleur, un seul pour le patron. Est-ce que c'est ça? Ah oui, c'est ça. Mon ami est Rosa, c'est bien ma femme.